Clément. Est-ce que je peux te proposer un verre d'Oasis? Oh oui. Vraiment? Oh oui, j'aime bien cette couleur-là. Ah, attends, faut que je boive. T'as pas bu ton eau? Non. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, j'étais trop occupé à parler. Ah, bah oui. Ah, mais oui, parce qu'on est là pour faire des petites capsules. Bah ouais, du coup, on se préparait un peu. On en est à combien? La 14e, hein? On est jeudi, donc oui, c'est ça. C'est la 14e déjà, hein. Eh ben là, cette fois, tu vas voir, on va parler d'un groupe qui est déjà venu, mais moult fois au Hellfest. Oh. Ils sont venus en 2009. En 2012, en 2015, en 2018 et en 2022. Oh la vache. Ils vont venir en 2025. Oui, c'est des habitués. Oui. Ils sont à la maison, quoi. Oui. Ouf. Bah, je pense qu'ils ont même la clé du truc, hein. Ils viennent. Oh, bah, je pense. Oui. Est-ce que je te sers de l'Oasis? Oh, oui, sers-moi de l'Oasis, s'il te plaît. T'as une petite idée du groupe qu'on va parler en même temps? J'aime bien cette petite couleur de cette Oasis. Ah bah. Pourquoi? Mais c'est orange. Ok. J'ai pas de contre-argument, donc je vais te faire confiance. J'aime bien l'orange. J'ai toujours pas avalé mon Werther's original, moi. Ah bon? Ouais. Bah. Est-ce que. Avant d'attaquer tout ça, on s'en serait pas un petit générique? Allez, vas-y. Pas de. Non? Pas de tenaille. Oh, je suis fatigué. Bon, je suis de nuit, moi, en ce moment, tu sais. Mais hier soir, tu travaillais pas? Ah si, tiens, j'ai un petit truc qui vient là. Et oui, on va parler d'un groupe qui est déjà venu 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5 fois au Hellfest et que j'ai déjà vu 2 fois là-bas. Ah ouais. Et que la troisième fois, je n'ai pas vu parce que j'étais devant Metallica. D'accord, ok. Bon. Et qu'apparemment, tous les gens qui étaient devant ont dit c'était trop bien parce qu'il n'y avait personne vu que tout le monde était à Metallica. Oh. Eh bah oui. Tu t'es fait avoir? Bah non, en fait, je ne me suis pas fait avoir vu que je les avais déjà vu 2 fois. Je n'étais pas en mode c'est pas grave. Metallica, tu les avais déjà vu combien de fois? Oui, bien sûr. Mais en fait, pour la petite info, ce qui est marrant, c'est que. Faut que je te rappelle 2015, mon premier Hellfest, j'y vais accompagné de Bob. Et du coup, j'avais quasiment rien préparé. Moi, j'y allais pour les têtes d'affiche à l'époque. J'étais un jeune. Je savais pas trop comment ça marchait, j'avais pas écouté tous les groupes, j'avais pas eu encore mis au point une idée de podcast pour en parler. C'est pour ça que t'avais rien préparé du coup. J'avais rien préparé et du coup, j'ai suivi Bob et devine sous quelle tente il m'a beaucoup emmené. Oh, sous la vallée peut-être bien. Ouais, et direct il m'a emmené, il m'a fait découvrir plein de groupes là et je fais ah putain, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Et justement, l'un de ces groupes était Orange Goblin. Ah oui. Bah oui. Ah oui. Je me suis dit, il va pas baisser avant que ça. Je me suis dit. Orange Goblin est donc formé en 94. Pouah! Comment ça remonte? J'étais jeune, moi. Bah ouais, et qui, à la base, ils sont formés sous le nom de Our Haunted Kingdom. Ok. Avant de changer de batteur et de nom l'année suivante. Et donc, à partir de 96, ils ont sorti une compilation avant d'adopter complètement le nom d'Orange Goblin. Et puis après, j'ai peut-être oublié de le dire, mais c'est quand même un groupe de stoner britannique. Originaire de Londres. D'accord. Qui est en Angleterre. De la capitale. Ouais, qui est dans la capitale. Donc, ils vont venir 1, 2, 3, 4, 5, 6e fois. Et ouais, ça, c'est un truc de fou. Et ils sont un peu reconnus donc, pour faire une espèce de stoner, principalement sur les 3 premiers albums. Après, ils sont devenus un peu plus agressifs, un peu plus énervés, toujours, mais en gardant leur petite racine. Toujours stoner, hein, par contre. Oui, ah non, j'ai eu merde, putain. Non, mais. Et surtout, c'est qu'à la base, à part, ils ont eu un changement de bassiste à un moment donné. Mais sinon, ils sont vraiment. Enfin, ils ont eu d'autres changements de membres, mais vraiment, t'as une espèce de tronc commun que tu reconnais déjà, parce qu'il y a Ben Ward, qui est un espèce de monstre géant. Il est hyper grand, hyper carré. Ouais. Le chanteur. Ok, ouais. D'accord. Il est très fort. T'as le guitariste, qui est lui, qui a son petit sourire malin, qui est vraiment sur. Enfin, en fait, tous ceux qui ont vu Orange Goblin sur scène. Ils peuvent pas l'oublier tellement c'est trop bien. Donc en fait, tu peux te focaliser sur n'importe quel membre, que ça soit même le batteur ou même le bassiste. Ils ont une façon de jouer et d'interpréter les morceaux. C'est un truc de particulier parce que, tu vois, je me suis arrêté sur le guitariste, mais tu peux t'arrêter sur le bassiste qui joue comme un dingue aussi. Et le batteur, je m'en souviens parce que moi, Orange Goblin, comme j'ai vu en 2015, j'ai fait pas mal de photos de la foule. Ouais. Et mes meilleures photos, c'est de Orange Goblin. Et c'est la même chose quand ils sont revenus en 2018. D'accord. J'ai beaucoup de photos hyper marquantes de ce groupe-là et... déjà le chanteur qui est très marquant, mais je me souviens même d'un concert, je ne saurais plus te dire lequel, où Bob m'a dit regarde là-bas, il me montrait un mec qui était énorme en coulisses. C'était le chanteur d'Orange Goblin. Ah, ok, d'accord. Bref, c'est un groupe que j'ai découvert grâce à Bob, que j'ai adoré par la suite, que Bob aussi adore énormément. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on en a pas reparlé cette année. Mais il y a une petite particularité, c'est qu'en plus de tout ça, c'est leur dernière tournée. C'est pour ça qu'on en avait parlé déjà. Ouais, le groupe arrête. Ils arrêtent, ouais. Ils arrêtent après, si j'ai pas de conneries, 30 ans de carrière. Ouais, c'est beau. 2014, 2004, 2000, ouais, c'est ça. Ouais. Ils arrêtent. Et aussi, en fait, il y a une petite particularité, parce que du coup, moi, j'ai un peu suivi la carrière du groupe. C'est que c'est un groupe qui, à un moment donné, a eu la, comment dire, la possibilité de se professionnaliser. Parce que tu sais, en fait, on s'en rend pas compte. Professionnaliser. J'allais y aller. Il y a énormément de groupes, c'est qui jouent. Et qui entre deux, travaille. Oui, d'accord. Okay. Parce qu'ils ont pas les moyens. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup plus qu'on croit. Les mecs, la semaine, ils travaillent et le week-end, ils sortent, ils vont jouer, etc., etc. Et c'était un peu le cas d'Orange Goblin. Et à un moment donné, ils ont eu l'occasion de se professionnaliser et ils en sont revenus de ça. Ils ont arrêté ça pour retourner travailler. Mais non. Ouais. Alors pour plusieurs raisons, c'était ça qui était très intéressant. C'est-à-dire, ils ont fait ça en disant. On a tout connu. On a connu la vie de musicien professionnel et la vie de musicien non professionnel. Ils y sont retournés en disant, on peut passer plus de temps avec nos familles. On tourne un peu moins. Mais en gros, le rapport confort de vie et gain est pas si différent pour eux. D'accord. C'est-à-dire que, c'est plus la même vie. Mais le fait de travailler, si tu veux, il y a énormément de gens qui veulent dire, je vais me lancer dans la musique, je vais devenir musicien, je vais vivre de ma musique. Mmh. Et eux, à un moment donné, ils se sont rendus compte que c'était compliqué. Et donc, ils ont trouvé un équilibre en mode, on va travailler et on va faire notre musique à côté. Ok, ok. Je ne sais pas si c'est ça qui a complètement donné envie d'arrêter Orange Goblin ou c'est parce qu'ils étaient arrivés à la fin de quelque chose, parce qu'ils ont quand même ressorti un dernier album en 2024, si je ne dis pas de conneries. Bon, ça veut dire que quand même, ils doivent avoir un train de vie assez intense quand même. Entre le travail, les concerts, les machins, la famille, tout ça. Bah, oui, ils tournent beaucoup moins. Tu vois, ils ont peut-être fait l'équilibre de se dire, s'ils sont plus en mode essayer de devenir un groupe ultra connu et qui peut vivre de ça, s'ils l'ont connu et qu'ils se disent, en même temps. Ouais, c'est peut-être parce qu'ils avaient besoin non plus, tout simplement. Non, mais tu sais, ils sont là, s'ils ont des familles, des enfants, ils disent, tu sais, combien de musiciens t'entends qui disent, on est passé à côté de la vie de nos enfants, Ouais, carrément. Donc, il y en a, ils ont vécu la vie à fond, eux, ils ont fait la démarche inverse à un moment donné de se dire, on prend un petit boulot, ça se trouve à mi-temps, on fait notre truc entre deux, et c'est plus facile pour tout le monde, en fait. Un équilibre. Voilà. Puis ça permet peut-être aussi, peut-être que quand tu te professionnalises, t'as moins le choix de faire un peu ce que tu veux, peut-être. Si tu te professionnalises, ça veut dire que tu en fais un peu ton travail, et du coup, un peu beaucoup même, je pense. Un peu beaucoup, comme tu dis, ouais. Mais c'est peut-être ça aussi, justement, la force d'un groupe, de se dire, le rêve de musicien, il y a peut-être pas besoin, en fait. Mmh. Tu peux l'avoir toi-même. Ce qui est évident aussi, quand t'entends ça, c'est que tu te dis, ils devaient tous être sur la même longueur d'onde. Parce que pour être un groupe comme ça, de choisir tous la même chose, c'est qu'ils devaient tous être sur la même longueur d'onde. Ça doit être une famille, en plus d'être des amis de... Je te dis, il y avait un autre, alors je sais plus exactement comment c'était dans le principe des guitaristes, mais je crois qu'avant il y avait deux guitaristes au début et qu'il y en a un qui est parti, je crois. Et il y a eu à un moment donné un changement de bassiste, mais sinon depuis la base c'est un peu les mêmes ensemble. Ouais. Et donc du coup, il y a ça qui lie aussi, toi, c'était avec tes potes et tout. Ouais, mais en fait, tu sais, en fait, je vais faire un parallèle à la con, mais c'est comme, tu sais, quand tu te rends compte que tu vas bosser et qu'en fait, les trois quarts de ta vie, tu dépasses plus avec tes collègues qu'avec ta famille. Donc du coup, ces gens-là, ils ont peut-être fait le même ratio. T'as intérêt d'être bien à ton travail avec tes collègues plutôt que l'inverse, parce que c'est et du coup, ton équilibre, même si t'es super cool sur la route, peut-être qu'à un moment donné, tu dis est-ce qu'on peut trouver une autre forme d'équilibre? Donc peut-être que moins tourner, mais continuer de faire de la musique, tu vois, c'est pour y trouver son compte aussi, de toute façon. Donc c'est ça que j'ai trouvé intéressant, parce que c'est un discours que t'entends jamais, en fait. Ouais, c'est assez rare. Hein. Tu l'entends jamais. Donc je ne sais pas s'ils sont revenus de ça, ils sont en mode professionnel, ou j'ai pas pris le temps de bien chercher pourquoi ils arrêtaient. Quoi qu'il en soit, le fait qu'ils arrêtent change énormément, moi par exemple, mon rapport au fait de les revoir ou pas. Ouais. Et c'est là où je vais en arriver au point de toi. Qu'est-ce que toi tu en as pensé de ce petit groupe? Eh ben, Orange Goblin, c'est pareil, hein, vous en avez pas mal parlé, notamment Bob surtout qui a dû déjà m'en parler de base. Donc du coup, je vais pas te mentir, hein, sur l'affiche, je vois groupe de stoner, je vois bien les affiches au départ, je dis oh là là, ça sent le groupe de bikers à plein nez, les motos de partout, tout ça. Et tu vois, un petit peu au début, je pensais que j'allais avoir affaire à un stoner somme toute classique, qui est toujours très efficace, toujours très bien. Mais je trouve pas que, en fait. Mais je pense que c'est l'ambiance générale du groupe qui fait ça. Parce que, en fait, il y a il y a des trucs positifs et il y a quand même quelques points, je dirais pas négatifs, parce que c'est une recette qui marche fort et qui marche toujours. Ouais. Mais s'il y avait un truc des fois, pour moi, hein, à mon oreille, c'est que des fois, ça pouvait paraître un peu toujours la même chose. Ah, je vois ce que tu veux dire. Okay. C'est à plus ou moins à peu près la même vitesse. On est toujours dans le même bain. Tu vois. Je te parle pas juste du côté stoner, hein, parce qu'ils ont vraiment leur son, leur pâte, mais c'est la même recette. Mais c'est ça. Tu vois, c'est des cuistots, ils arrivent dans leur cuisine, ils font leur popote, et puis bam, ils déroulent. Par contre, bah, faut dire ce qui est, hein. Je sais plus, t'as combien d'albums? Je crois que t'en as une bonne, j'aurais dit dizaine à la volée, comme ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, une petite dizaine. Une petite dizaine, ouais. 2024, le dernier, ouais. Tu vois, donc. Grosso merdo, une dizaine, ouais. Voilà. Bon, en 30 ans de carrière, donc ça paraît pas si énorme que ça en 30 ans de carrière, mais c'est beau quand même. Et du coup, j'ai dû en écouter 3-4, et c'est vrai que bon, le premier truc qui m'est ressorti, c'est que voilà, comme je te dis, même recette tout ça, mais n'empêche que tu mets n'importe quel album, n'importe quel titre, n'importe quoi Orange Goblin, tu kiffes, tu passes un bon moment, t'as envie de trinquer, t'as envie d'être là, de passer un moment, parce que l'ambiance est toujours folle. Et encore. Et j'ai pas vu de live, hein. Et encore. Et là, de ce que tu me dis, bah, moi, ça, c'est bon, je suis déjà que j'étais convaincu, hein. Moi, si tu m'aurais posé la question, je t'aurais répondu quelque chose. Je te l'aurais posé à un moment. Ah, bah, écoute. Mais en tout cas, voilà. Là, de ce que tu m'as dit, en plus, tu m'as convaincu. Et en plus, bah, si tu dis que c'est leur dernière tournée, bon, bah là, c'est raison de plus pour voir quelque chose de mémorable, quoi. C'est leur tournée d'adieu. Et après, alors, il y a toujours la question qui se pose quand un groupe arrête, c'est est-ce qu'ils vont faire des trucs séparément ou pas? Mais est-ce qu'ils ne reviendront pas après, un peu plus tard? Mais oui, ce que je peux te garantir, c'est vrai que c'est en live, c'est un vrai truc qui marche de ouf. En fait, c'est que t'imagines la recette, comme tu dis, qui fonctionne. Ouais. Et en fait, bah, un public qui réagit trop et c'est, enfin, c'est un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est un très bon groupe de stoner qui a tous les trucs de base, mais ils ont leur truc un petit peu en plus qui vient rajouter 2-3 créneaux en plus. Ouais, et, ouais. Tu vois, ils sont pas juste en train de nous faire une musique qui est un petit peu planante ou qui roule un petit peu en rythme et tout ça. Non, il y a, je sais pas, ils ont une patte à eux, un truc. Ah bah oui. Puis je pense que voilà, il y a le côté groupe soudé qui a l'habitude de jouer ensemble, qui doivent passer beaucoup de temps ensemble, et qu'on voit qui sont à l'aise. Tu sais le truc, des fois je passe t'as ce truc là, tu regardes un concert et puis tu sais, tu focalises, tu vois les musicos et tu vois toujours celui qui est un peu en dessous, tu sais, qui est moins dedans, tu sais, où tu dis ah bah lui tiens, c'est bizarre, lui, je sais pas pourquoi il est dans le groupe, parce qu'il a pas l'air d'être comme délire. Ouais. Orange Goblin, tu peux tous les regarder. Vraiment tous, le chanteur, il est à fond, le guitariste, il est à fond, mais tu sais, chacun dans leur truc. D'accord. Tu vois, parce que par exemple, le chanteur, il est pas en mode beaucoup bouger, il a des expressions, des mimiques à lui qui suffisent. Le guitariste, il bouge à sa manière, mais il envoie. Ouais. Le bassiste, il groove, et je sais pas, il a une façon de jouer qui est un truc de dingue, et même le batteur qui est là, ils ont tous leur truc à eux. Bon, ouais, ce que tu vois, c'est leur connexion, sauf qu'ils se regardent pas, quoi. Voilà, c'est ça. Ils sont ensemble, mais juste connectés en faisant leur truc. Bah, et ouais. Tu ressens que, bah, ils sont ensemble, les gars, tu vois bien, ils partagent leur truc. C'est ça. Chacun leur petite bulle. Ouais, chacun, et enfin, c'est vraiment plaisant de voir ça, parce que, en fait, tu vois des mecs qui s'éclate, et je pense que mine de rien, le fait de savoir que c'est la fin, il va y avoir un truc un petit peu en plus, parce que toi, s'ils viennent au Hellfest, ils disent ok, c'est notre dernier Hellfest, on donne tout, et ça va être un petit peu une petite pincée en plus. Mais dessus, oui, un oui, petit j'imagine, ouais. La seule petite particularité, c'est que ce sera sur la vallée. Oui, à la différence de quand tu les as découverts. Bah voilà, donc c'est peut-être le petit point noir. Oh. Bah, parce qu'en plus, il risque d'avoir du monde, sachant que c'est la fin. En fait, faut presque espérer que ça tombe face à une grosse tête. Tiens, j'ai pas pris le temps de regarder face c'est à ça, qui. C'est ce que j'étais en train de me demander, justement. Eh ben, je vais regarder très très vite. Avec un peu de chance, ça sera un public qui a pas bossé avant de venir. Qui savent pas qui c'est. Orange Goblin? Non, moi, les trucs fantastiques, là, les jeux de rôle, là. Ouais. Je suis pas un geek, hein. Ouais, voilà, c'est des joueurs de World of Warcraft. Ouais, ça, c'est obligé, ça peut être que ça. Ils jouent le jeudi. Aïe. Ah oui, oh putain, ouais. Alors attends, parce qu'on a une chance sur deux. Aïe, oulala, grosse problématique. Grosse battle, même pas. Ah si, en fait, ouais, alors, je te le refais dans l'ordre. Il y a une battle pour toi déjà ? Non, il y a une battle pour tous. Ah merde. Donc là en fait, ça va être horrible. Ah, non. D'un côté, en tête d'affiche, ouais. On a Alceste ou Ginger. Ok. D'accord, bon. Temple, Altar. Alceste, Ginger ? Qui Temple, vont être en battle ? Bah, Temple ou Altar, donc c'est un de ces deux-là. Ah ok, d'accord. Okay. Face à Orange Goblin ou d'Hélicopter. Donc normalement ça, on s'en fout, parce que il sera Orange Goblin soit face à Ginger, soit face à Alceste. Face à Electric Callboy. Ouais. Face, oui, mais moi j'ai dit que je devais aller voir Electric Callboy, je te rappelle. Face À Cornes. Mais non. Bah si, mon gars, c'est les têtes d'affiche que je te cite là. Non. Ah, si. Ah ouais. Ouais. Ça, ah ouais, c'est... non, là, c'est dur quand même. Là, ça va être lourd. Faut arriver. Je pense que va falloir que je sacrifie un corne. Je vais devoir. Ah putain, et puis alors là, quand on va dire à Bob, oui, Orange Goblin, il va jamais vouloir faire le truc sur Electric Callboy, c'est mort. Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'on aille faire vite, fait le truc sur Electric Callboy, et après, on court vers Orange Goblin. Ouais, c'est clair. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Hein. Faut qu'on. Faut trouver des solutions, là, il n'y a pas moyen. Bah non, mais parce que là, le groupe arrête, c'est pas pareil, tu vois. Electric Callboy, on peut le revoir 30 fois. Non, puis bon, des fois, ça peut t'arriver de dire des choses sans réfléchir, sans avoir tous les tenants et les aboutissants de. Hein? Et puis peut-être qu'Electric Callboy viendra. Des infos, parce que si t'avais eu des infos, t'aurais peut-être pas dit cette connerie-là. J'ai pas pensé. En tout cas. Moi, je m'entends plus rien du tout. Ah bon? Ah bah attends, on va gérer. Pour les techniques. Ouais, c'est pas grave. On termine ça. Et du coup, Orange Goblin. Ah bah, c'est un grand oui, hein. Ah ouais? Ouais, ouais. On s'occupe pas de tout ce que tu viens de me dire. Non, mais bien sûr. C'est un grand oui, c'est un bon moment assuré, sûr. Alors, en plus, avec tout ce que tu viens de me rajouter à me dire, bon, bah, c'est que du bonus, c'est que Je dirais même que c'est un immanquable. Bah oui, mais toi, tu m'en doutais que t'allais dire ça. Bah oui, non, mais je suis là. You're the best. Je suis comme dans une autre émission que je connais. Ah ouais, sympa. Ils passent des trucs comme ça. Bah en fait, ouais, des fois il y en a, ils disent ah putain, ça sera pas possible de le manquer, c'est immanquable. Ouais. The best. Ok. J'aime bien. Puis ça me rappelle une chanson. L'adresse. Ah ouais. C'est long ou pas, écoutez? Bah après, non, pas tant. Hein. Ah bon? Ah ouais, tu l'allumes, t'as pas vu le temps passer. Oh, c'est gentil, merci. Ah ouais, non, c'est comme ça. Parce que moi, je le sens à faire, personnellement. Bah écoute, merci beaucoup, Tenaï. Bah non, merci à toi. Non, mais arrête. Ces petites infos supplémentaires. Mais arrête! Ça fait plaisir. Bon, allez, on arrête là? Ouais. Allez, salut les gens. Allez, bisous.